Bon, du coup, on va dire bonsoir à la HT Communauté. Alors, donc, c'est la première émission de HT Radio, de la Fédération, le sujet de Forum. Et donc, du coup, ce soir, on va faire un débat sur l'élection 2020. Donc, pour l'instant, il y a des candidats qui sont en retard, évidemment. Donc, il y a Darcel, Argus, qui est candidat d'élection, et Donji, donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toi. Alors du coup, vu qu'il y a des candidats qui ont un peu de retard, je propose que que Argus commence. Si Argus pouvait nous présenter son programme en quelques lignes, ça serait gentil. Donc pour moi, c'est la première élection U20. Je me suis entouré de quelques membres qui sont parmi nous, certains et d'autres non. Donc parmi eux, Mister Nick, il y a Darcel, Benji, Racine. Quelques autres dont j'ai eu vent. Donc l'objectif pour la saison 41, c'est bien évidemment la qualification en second tour de l'équipe U20 française. Je pense que les joueurs, on les a. La stratégie, on la mettra en place. Donc à partir de là, reste à préparer la saison 42. Il ne faut pas brûler les étapes, bien évidemment. Donc voilà pour un petit peu l'objectif. Je vais présenter ton programme, c'est parfait. Donc j'ai eu un HTML de Shanti qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir, donc il s'excuse. Donc il m'a dit par contre que ce poste était très chronophage. C'est-à-dire que c'est passé en moyenne à peu près 2 heures ou 3 heures par jour sur Actric. Et donc il avait en moyenne 30 HTML par jour. Est-ce que tu es prêt à ça? Au niveau du temps, à l'heure actuelle, 2 heures ou 3 heures sur Astrix, c'est la moindre des choses pour moi. Étant étudiant, le matin, j'ai cours, l'après-midi, non. Donc l'après-midi, même si j'ai mes cours sous l'œil gauche, l'œil droit est rivé sur mon écran d'ordinateur. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mes soirées, devant la télé, forcément, il y a l'ordinateur sur les genoux. Donc 2 heures à 3 heures, je dirais, ouais, c'est mon quotidien à l'heure actuelle sur Astrix. Après, des fois, il y a des jours où c'est plus 5 heures, des fois, 1 heure. Donc voilà. Mais en principe, 1 heure minimum, mais souvent, 3 heures que 1 heure, voilà. Tu te demandes si tu t'es renseigné auprès de l'ancien sélectionneur pour savoir quelques tuyaux sur le poste. Non, je ne me suis pas renseigné directement, au sein du sélectionneur, je suis avec les DTN, on peut pas parler de DTN encore en Côte d'Ivoire, ça se met doucement en place. Je travaille avec le sélectionneur actuel Marty et quelques autres au niveau de la Côte d'Ivoire, donc je vois le travail qu'il y a à faire. Le sélectionneur, bien évidemment, il n'est pas tout seul, donc effectivement c'est lui qui a le gros du travail, mais il est bien épaulé par son staff, la DTN et pas mal les proprios, etc. Alors sinon, pour ton équipe, est-ce que tu as pas peur par hasard de l'abandonner un peu pendant ton mandat? Ou est-ce que ton équipe passe après l'équipe de France si jamais tu es élu? Bah l'équipe, j'ai toujours mon équipe pour la plupart, bon bien évidemment il y en a qui se sont rajoutés par la suite, mais la plupart, donc je les connaissais d'avant ma candidature. On a souvent fait des choses ensemble, on a monté une petite fédération qui marche pas trop mal, elle est conviviale plutôt. Donc l'objectif premier, non, c'est pas de laisser tomber les autres, c'est travailler avec eux. Donc ils passeront pas après l'équipe de France, mais on travaillera ensemble. C'est un travail plutôt commun, l'équipe de France, je pense. Et c'est pas un seul homme qui devra décider. Donc, il faut être éclairé par d'autres, partager les avis, et voilà. Alors, je parlais de ton équipe à Trip surtout, mais bon, c'est pas grave, c'est une réponse intéressante quand même. Donc, niveau personnel, est-ce que t'es fier de ton palmarès, hein? palmarès là il naît au fil des saisons. Je pense qu'au début, comme j'ai dit sur la page de mon programme, je n'ai pas été beaucoup aidé, je connaissais pas grand monde. J'ai débuté avec un ami à moi joué à cric, donc on n'était pas expérimenté. Donc au début on fait plein d'erreurs. Par la suite on s'aguerrit au fur et à mesure. Donc ouais, je suis assez fier du parcours de mon équipe. J'ai souvent changé d'entraînement. Encore une fois cette saison je vais changer. Ça m'a permis de voir différents points du jeu au fil du temps. Donc ouais, je suis plutôt satisfait de l'équipe. J'ai des gros projets pour cette saison à venir. Et je pense que à l'heure actuelle, mon équipe, même si je devrais y apporter moins de temps si j'étais élu, ben pas forcément elle régresserait pas, mais ouais, pourquoi pas stagner, mettre l'équipe en parenthèse pendant deux saisons, la faire stagner peut-être. Après, perdre du niveau, non. En gagner, ben, pourquoi pas, ça dépendra du temps que ça prendra, mais ce serait effectivement l'équipe de France qui serait privilégiée. Donc tu vas essayer de limiter les dégâts. Ouais, d'autant plus que cette saison, c'est la montée en D5, c'est plus compliqué, là, tout les relever. Mais ouais, limiter les dégâts, il y a quelques stratégies encore à faire, mais bon, ouais. Après, si je fais des erreurs cette saison, ce sera plus pardonnable que si je n'avais pas eu l'équipe de France à charge. Alors messieurs, du coup, on va parler un peu du nouveau moteur de jeu, parce que c'est lié de toute façon à l'équipe de France, hein, parce que maintenant le nouveau moteur de jeu va rentrer en action dès la saison prochaine. Il a déjà permis de finir la saison au niveau des matchs amicaux. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu des réformes ou qu'est-ce qui vous semble plus difficile au niveau des réformes et du moteur de jeu? Alors, je fais un petit résumé après pour les auditeurs. Donc, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Ben, moi, déjà, il y a un réformé, qui fait des passes. Avec le fait que les équipes qui sont 3e, 4e, 9e, c'est vraiment bizarre. Je me prononcerai pas dessus, parce que j'ai profité de la réforme aussi, j'ai fini 2e, donc j'ai réussi à monter en D7. Mais c'est vrai que pour les équipes qui sont en D9, ça fait un petit peu dur pour le début de saison. Enfin, ça leur permet aussi d'évoluer et puis de pas se prendre que des bottes déjà pour la saison. Bah, j'ai vu dans ma ligue qu'il y en a un qui a commencé il y a un mois maintenant, qui s'est connecté 3-4 fois, qui va être largué un peu, si je peux dire, en vite, et ça va être vraiment difficile pour lui. Du coup, ça fera 6 points, ce metteur-là. T'arriveras à le battre. Non, mais il était dans ma ligue D9 l'année dernière. Ah oui, t'as suivi, en fait. D'accord. Un petit résumé de la réforme. Ben, pour moi, le problème, c'est aussi, moi je dirais que la réforme en tant que telle, c'est bien de mettre les bottes en division inférieure. Quand j'ai commencé, les bottes étaient remplacées, certains bottes étaient remplacés directement par des équipes, par un utilisateur qui venait de commencer une division au-dessus de moi, donc j'ai commencé en D8. Un ami qui a commencé en même temps que moi a pris une équipe en D7, donc y a pas trop de soucis là-dessus, je trouve que c'est un bon point. Le seul petit détail peut-être c'est le fait que les équipes placées 3e de D9 et qui montent grâce à cette réforme jouent la Coupe de France et non pas les équipes qui sont premières ou deuxièmes. Voilà, peut-être le petit point négatif là-dessus. Ouais, moi ça m'a énervé ça. J'ai quand même tout fait pour finir premier dans la Coupe de D9. À laisser une saison de côté pour avoir une électricité. Et quand je vois qu'un, bah pareil, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est une équipe qui est 3e et qui a pas trop été présent avec son équipe, il va jouer la Coupe de France. C'est un peu dégoûtant. Ouais, il y a deux aspects à prendre en compte. Je peux te dire, d'une part, tu vas perdre, toi, d'un point de vue financier, la recette d'un tour de coupe. Mais d'un autre côté, ton équipe n'aura pas le moral dans les chaussettes comme la sienne après s'être fait pilonner par une grosse cylindrée des divisions supérieures, championnat, D2, D3, donc faut pas avoir que les aspects négatifs non plus. Beaucoup de messages sur les conférences où les nouveaux demandent pourquoi ils n'ont pas le droit de jouer la coupe et des choses comme ça. Et c'est vrai que souvent il faut qu'ils attendent une saison et demie avant de pouvoir jouer la coupe. Et éventuellement ça peut être sympa aussi pour eux, même si c'est quand même une grosse raquette. Alors du coup un petit résumé sur la nouvelle réforme du moteur de jeu, donc un exemple, aujourd'hui par exemple il y a 10 occasions de but par match et pas de SO au-delà des occasions, le moteur de jeu s'interroge au sein pour attribuer chaque occasion. La saison prochaine, les occasions données à chaque équipe seront distribuées différemment. Pour les occasions normales, il y aura toujours tirage au sort, pas de changement. Pour les occasions exclusives, donc les SO, donc les événements spéciaux comme par exemple la météo, la vitesse, des choses comme ça, il y a tirage au sort, mais si personne n'obtient l'action, l'action est perdue, c'est pas l'adversaire qui la récupère. Et donc du coup, le nombre de contre-attaques n'est plus limité comme avant, et l'influence du niveau tactique contre-attaque est plus important qu'avant aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez justement de la contre-attaque là? Alors qu'est-ce que vous pensez justement de la contre-attaque? Est-ce que vous, personnellement, vous l'utilisez? Moi, je joue en 4-3-3 et je suis assez content. Bah, désormais, en jouant avec 5 milieux de terrain, la plupart de mes matchs, en entraînement passe. Je pense que la contre-attaque ne sera plus trop d'actualité. Après, je peux en dire que quand j'ai entraîné défense il y a une saison environ, je jouais avec 5 défenseurs, ou même 4 en match de ligue. Ouais, la contre-attaque, c'est un bon point, c'est important, ça permet de faire des résultats face à des grosses équipes et laisser justement laisser se développer ce point-là, c'est important, ça va laisser encore plus de réalité. On va revenir un peu du coup sur les U20, on va profiter, c'est quand même le sujet principal de ce soir. Est-ce que tu penses que les U20 peuvent jouer en contre-attaque? Oui, on peut toujours utiliser des stratégies à la contre-attaque, attaquer sur les ailes. Je pense qu'il y a plein de tactiques à utiliser au niveau des U20. Contre des équipes qui nous domineraient au milieu, ça sert à rien de perdre tous nos secteurs de jeu, de perdre des points en défense, en attaque, sur les ailes, tout simplement pour avoir la possession, donc par moment je pense que ce sera la solution. Donc ouais, la contre-attaque, ce sera un point à bien développer pour les U20. D'accord, donc il y aura aussi une modification au niveau du pressing. On a vu que le pressing avec le nouveau moteur de jeu sera plus avantageux pour les équipes, surtout dans de la passe et de la défense. Hein. Alors qu'est-ce que vous pensez du pressing du coup? À part pour laver le linge, évidemment. Alors du coup, j'ai appris quelque chose l'autre jour, donc je vais l'apprendre à nos auditeurs en même temps, je sais pas si vous le saviez. Apparemment, ils ont fait des études sur la stratégie de tir de loin, et ils ont vu qu'il y avait des équipes, donc au Danemark, qui faisaient des stratégies de tir de loin jusqu'à avoir exceptionnelles, magiques ou même titanesques, et qui du coup mettaient un ou deux tirs de loin par match. Alors est-ce que le tir de loin, ça vous intéresse? Moi, personnellement, j'ai jamais tenté. Moi non plus, je préfère pas. Argus? Jamais tenté non plus. Je pense que le tir de loin, c'est une stratégie qui pour l'instant prendrait trop de temps à mettre au point. Et donc, au final, non. Moi je passe pas à la limite essayer en amical, mais je crois pas trop. Benji, veux-tu réagir? Ouais. Les HT ils se sont plantés au niveau, à mon avis, de la réforme de tir de loin, enfin avec leur nouvelle réforme du moteur de jeu, ils n'ont rien touché au niveau de la tactique tir de loin, contrairement au pressing au sein où c'est effectivement un petit peu mieux en ce moment, quoi, de ce qu'on peut en voir. C'est vrai que pour l'instant, c'était que sur les matchs amicaux, donc on n'a pas pu beaucoup tester. C'est vrai qu'avec la nouvelle saison, on verra tout de suite la différence, surtout en match de coupe. Parce que souvent, en match de coupe, il y en a pas mal qui mettent pressing ou contre-attaque. Pour essayer d'avoir une prolongation. Ouais, enfin, surtout là, on a absolument rien vu, quoi, au niveau des, de l'éditorial des, sur Atric, par rapport à la réforme. Ils ont absolument rien touché au niveau de la tactique tir de loin, et je trouve ça un peu dommage. Mais... C'était une des tactiques qu'il fallait améliorer. Alors, c'est vrai que le tir de loin, pour l'instant, ça fait pas longtemps que c'est mis en place. Et en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise, je pense. Alors sinon, pour votre premier tour de course, donc domicile ou extérieur, est-ce que vous pensez gagner? Je vais passer mon tour, hein. Mais je ne suis pas qualifié. Moi, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème non plus pour passer le premier tour de coupe, sachant que je n'ai jamais passé le deuxième tour de coupe de France, ce serait bien pour une fois que mon club puisse réussir à passer deux tours, quoi. Bon, a priori, c'est un derby. Bon, le premier tour, c'est à peu près faisable. Maintenant, il faut voir s'il arrive à passer le troisième. Pour l'instant, j'ai la malédiction, j'arrive jamais à passer le troisième. Ouais, pour ma part, je pense que la coupe, le premier tour, ça devrait passer sans encombre. Une équipe... A prime, on va dire, et puis un pitch pour préparer le premier match de championnat, donc ça devrait aller assez facilement. Alors, une petite chose qu'on a oublié quand même, quand est-ce que c'est fini les élections U20, pour que les auditeurs aient le temps de voter? Elles finissent le lundi prochain, donc le 4 à 7h du matin. D'accord, donc en gros, si on arrive à 6h d'une soirée dimanche soir, on peut encore voter. On peut encore voter, changer son vote à 6h59 en mettant un registre. D'accord. Alors normalement on n'a pas le droit de faire de propagande, mais c'est vrai que le seul candidat à être dépassé ce soir. Donc déjà c'est un bon point. Ouais, alors du coup on avait Castellar une petite réaction quand même, avant une émission plus complète la prochaine fois. Arrêt ou un tox, en tout cas il se connecte toujours autant. Après peut-être qu'il va se laisser descendre au fin fond du classement pour finalement remonter au sommet le plus rapidement possible, ça s'est déjà vu à une échelle moindre. On sait jamais, on verra. Alors, par contre, ce qui va changer la donne, c'est qu'avec Baderna qui a été looké, c'est Bernard qui a dit qu'il a arrêté, ça va faire plein de voix à redistribuer pour les élections. Parce que d'habitude, ils ont toujours au minimum une trentaine de voix à eux deux. Badada nous manque, en tout cas. Après, du coup, il y aura l'élection 1. Quelles sont les dates au niveau de l'élection 1 parce que... Entre la 41 et la 42, comme cette fois-ci, donc, enfin, il me semble, à vérifier. J'ai sur la Coupe du Monde, et après, on change de sélectionneur. Ah, voilà, tout à fait. Je pense que là, la Coupe du Monde, on a des bonnes cartes à jouer, et il fait du bon boulot. L'MGM se débrouille bien pour l'instant à la fin de sélectionneur. Alors on va parler aussi du coup des chances de la Ligue Adoc. Est-ce que vous voyez les clubs français, donc la Ligue Adoc et puis l'autre représentant, celui qui a gagné le championnat, le Gelsenkirchen, voilà, aller loin ou acheter la star? Moi j'ai suivi Real Pénard de près, je vais parler un peu par un sommeil. Il aurait pu aller jusqu'au bout en Afrique Master, c'est juste que la forme l'a un peu handicapé, mais sinon franchement il peut les gagner chez Afrique Master. Moi j'ai suivi Real Pénard de près, j'ai parlé un peu par HTML, et j'y ai parlé et il aurait pu aller jusqu'au bout en Afrique Master, c'est juste que la forme l'a un peu handicapé. Mais sinon, franchement, il peut les gagner, ça, c'est ma chance. C'est vrai que l'année dernière, j'avais suivi aussi, il était arrivé loin, et malheureusement, il s'était fait découper par un Italien en demi-finale. Moi, je pense que les équipes françaises sont pas au niveau à l'heure actuelle. face aux grosses formations étrangères. Après, budget, les autres, enfin, il y a une étude qui a été faite, la durée moyenne d'une équipe étrangère hein, dans son championnat le plus haut et d'une équipe française, les équipes françaises se stabilisent un peu plus au détriment des salaires et des gros salaires et donc des grosses performances. Après, ce n'est qu'une étude, on verra bien dans les années à venir. Attention, parce que là, si on va être mauvais homme, tu commences à faire du Jean-Michel Aulas, là. C'est pas moi qui ai créé l'équipe au départ, c'est dans une fédération, je ne sais pas si on peut faire de la pub pour. Si on peut faire de la pub aussi pour les fédérations, vas-y. Ce n'est pas la mienne, c'est, je retrouve, c'est le président de Fizet City qui est président de cette fédération, c'est pour les transferts, le marché des transferts, donc... d'où je tire ma source, voilà. D'accord, donc c'est la fédération gérée par Gofio. Du coup, ça doit être le vice-président fédération pour l'étude du marché des transferts, c'est ça? C'est bien ça. Donc il y avait une étude qui a été faite il y a peu, et donc j'ai vite fait regarder. Et donc en fait, la France se situe en termes de notes à TID au 8e ou 9e rang mondial donc pour son championnat en moyenne donc on n'est pas dans les meilleurs donc voilà. D'accord, on va profiter pour la pub pour notre fédération, n'est-ce pas Darcel? Donc la fédération de la radio HT Communauté Francophone, donc on a chiffre 89 513 effectivement, donc avec Darcel et moi en fondateur, et donc il y a de la place pour tout le monde. Rejoignez-nous. Voilà, ça c'est très vendeur, vu qu'on va avoir plein de connexions la semaine prochaine. Un dernier mot avant de se dire au revoir peut-être? Ben, merci pour la première, merci de m'avoir invité, et j'espère que notre émission va continuer à bien marcher tout au long de la saison, et puis j'espère que je vais continuer une campagne, merci à vous. Alors voilà, bonne soirée. Donc c'est nous qui te remercions d'être venus. Et puis on te souhaite aussi de bonne chance pour les élections, hein, même si on encourage tous les candidats et on sait que c'est très dur de préparer des élections. Et puis malheur aux vaincus et félicitations aux gagnants. D'accord, bonne soirée, bonne fille. Darcel, un dernier mot? Ben, je vous souhaite un bon début de saison 41 à tout le monde, une bonne chance à Rodrigue pour les élections 20, et puis à l'année prochaine. Alors est-ce qu'on fait des pronostics avant de partir? Est-ce qu'on fait des pronostics avant de partir ou ce sera pour une prochaine fois? On va faire le pronostic. Ouais, tout à fait d'accord, ça peut être sympa. D'accord, donc chacun prend son match de coupe, allez-y. Sauf ceux qui n'en ont pas, donc c'est quand même le premier match du championnat. Allez, je propose à Argus de commencer. Bon, vas-y, commence Marcel, pas de soucis. Ben, moi, vu que j'ai pas de match de coupe, je veux dire mon premier match de championnat, normalement, je devais perdre, selon un truc organizer, je devrais faire 3-0. Je pronostique un petit 1-0, allez. Moi, mon match de coupe, je pense que... Ok. Moi, pour mon match de coupe, je pense que je devrais gagner 3-1. Voilà. D'accord, Argus, vas-y, et puis moi je m'attends plus après. Bah, pour l'équipe alignée, je ne sais pas encore tout à fait, mais on va dire que je vais pronostiquer un petit 5-2, car la réforme, j'ai testé la réforme en amical, elle a l'air un peu sévère, donc 5-2, ouais. D'accord, donc moi c'est un derby, bon je pense que je vais gagner 3-2, surtout qu'en plus j'ai agrandi mon stade, donc ça serait bien quand même d'avoir un tour à domicile. Voilà, donc monsieur, bonne soirée, c'est à la prochaine du coup pour la prochaine émission. Merci à toi. Salut. Ce serait intéressant de refaire un sujet pour la prochaine émission, je sais pas, dans plus tard, tu vois, de faire un sujet sur la C2, quoi, la Coupe des Coupes. Parce que je participe à la coupe régionale et je trouve qu'il n'y a plus aucun engouement autour de cette coupe de faire un peu de pub pour elle parce que c'est vrai, elle est en perdition cette coupe, c'est normal. On pourrait faire un sujet sur les coupes régionales, ouais, c'est une bonne idée, n'empêche. Il faudrait demander à ceux qui font les coupes régionaux de s'enregistrer. Voilà, c'est sympa. Une petite pub de 40 secondes, une minute pour présenter leur coupe, et puis après nous on dit bon ben voilà, c'est la coupe de telle région, tout ça, effectivement. Petite explication pour nos auditeurs quand même, au moment où on finissait l'interview d'Argus et le débat, du coup il y a Ice25 qui est revenu nous rejoindre donc sur le channel, par contre il n'était pas équipé de micro, ce qui fait qu'en fait moi je posais des questions, il entendait, et il donnait les réponses à Darcel qui répétait après les réponses pour vous tous. Voilà. Et donc du coup le souci c'est qu'au départ c'était Benji qui devait faire les réponses, c'est pour ça qu'on a fait les blagues avec l'accent du Sud. Voilà. Déjà, première question importante, est-ce que les Normands ont l'accent du Sud? Non, ça ne peut pas. D'ailleurs, tu comprends ça au montage, hein? Oui, bah évidemment. J'imagine, on parle. Alors, j'ai dit à Ty comment on fera pour les questions. T'as pas tué à cause de l'accent? Non, surtout qu'il est parisien, ça la fout mal. Ah zut. Enfin, qu'il est parisien. Sans des chutes, c'est dur quand même. Bon, est-ce qu'il nous entend? Ah non, c'est sa femme, c'est pour Paris. Est-ce qu'il pense que ça peut être un handicap pour sa campagne? Je vais pas lui demander ça, je suis supporter du PSG, les gars. Bon allez, on va se concentrer plus sérieusement. Donc, deuxième candidat des élections qui est venu nous voir dans nos studios, donc Aide25, qui donc l'équipe SM de Caen, par contre lui malheureusement n'a pas de micro, comme le manager du championnat, il sera peut-être en championnat un jour. Et du coup, c'est Darcel qui va répondre aux questions. Donc rassurez-vous, Aïd est par MSN et c'est lui qui parle par l'intermédiaire de Darcel. Voilà, donc on va lui poser à peu près les mêmes questions qu'à Régis tout à l'heure, on n'a pas été trop méchant, on va pas être méchant non plus avec lui. Donc déjà, Aïd, pourquoi te présentes-tu? Qu'est-ce que tu as envie de faire au niveau des U20, je sais pas, de les qualifier, de... une aventure collective ou... Alors il me dit qu'il se sent capable de le faire et que l'objectif minimum c'est de passer des qualifs évidemment. J'ai tout à l'heure un message de Chantier rapidement qui disait que ce poste était un poste qui prenait beaucoup de temps. Que lui il passait 2 à 3 heures par jour sur la clé, qu'il recevait 30 HTML. Régulièrement, qui était sollicité par toutes les fédérations, des choses comme ça. Est-ce que Aïd se sent prêt, ça? Du coup, à gérer ça. Eh bien, il dit que ça lui fait pas peur et que la disponibilité, c'est pas du tout un problème pour lui. Et que d'ailleurs, il compte aussi sur son staff pour l'aider dans cette tâche. Alors, Agus nous a présenté un petit peu son staff. Est-ce que lui peut nous présenter un peu le sien? Parce qu'elle est toute connue. Alors, d'abord, ce sont les joueurs motivés et qui sont à fond avec lui. Il y a, par exemple, Bat, un joueur du national qui revient. Il y a aussi Vodka et Goufran, qui évoluent dans la C5. Et quelques autres managers qui s'occupent de la communication. Et qu'il a rencontré au sein de la fédération FFGP. Il y a aussi Serge Jeannet et Jean Raoul. Et s'il a besoin de renseignements, il y a aussi des sélectionneurs qui sont prêts à lui filer un petit coup. Et voilà, désolé, il s'excuse pour ce qu'il a oublié. On dit que Hyde avait fait partie du staff jamaïcain, est-ce que c'est vrai déjà? Et est-ce qu'ensuite, quel rôle il faisait exactement? Il n'a pas été directement à l'intérieur du staff. Il faisait partie d'une fédération qui avait pour but d'aider la Jamaïque à se développer. Il était chargé juste de recenser les 17 ans. Alors du coup, Hyde, que penses-tu des tactiques un peu exotiques ou qui sortent un peu de la normale, type le tir de loin, ou dans une moindre mesure, le pressing ou la contre-attaque, surtout qu'elles vont être modifiées en plus par les réformes récentes? Bah d'abord, le tir de loin, c'est difficile à mettre en place, enfin, en U20 en tout cas. Et, mais il y a un spécialiste de cette tactique dans son staff, c'est mais en U20, c'est pas viable. Sinon, le pressing, il croit beaucoup plus, il croit qu'il peut permettre de tracer des résultats, mais CA ou pressing ne seront que très occasionnels dans la gestion des lignes. Pour la CA, c'est pareil, il va y avoir plus de possibilités de bien réussir avec la réforme du moteur de jeu. Mais il faudra encore que ça se confirme avec le début de saison. Mais il ne faut pas croire que ce sera des tactiques mirages. CA doit rester occasionnel et surtout pas adversaire. D'accord. Comme il voulait pas faire de petit play, j'en ferai une à sa place. Hein, c'est vrai qu'il a raison, le tir de loin, c'est plus difficile que le tir de près. Bref. Bon, j'ai eu un HTML de l'MGS, hein, c'est une super bonne nouvelle. D'ici à ce qu'il se couche, donc apparemment il se couche tard, hein, il va nous envoyer son avis sur les élections U20. Ok, mais c'est dommage, pourquoi il ne peut pas venir? Malheureusement, il n'a pas de micro non plus apparemment, il y a une épidémie. Alors, par contre, je décline toute responsabilité, Darsal veut que je fasse ma blague. Si dans deux semaines, je suis loqué sur la trinque hein, par les GM, vous saurez pourquoi. Je vais faire la blague des Shadow Mazo, c'est pour ça. Après le pressing et le tir de loin, je pense que là, là ça va être bon, là, après le pressing et le tir de loin, les Shadow Mazo, on passe à l'étape suivante. Ça va faire monter l'audimat. Alors, on va passer à la prochaine question. Donc, prochaine question, pratiquement dernière question, je pense. Est-ce qu'il n'a pas peur de sacrifier son équipe, hein, s'il est élu? Donc, son équipe SM de Caen, je rappelle. Hein. Alors, c'est le stade Malherbe de Caen, hein. C'est pas les Sado Mazo, hein, pour ceux qui ont une mauvaise idée. Alors, non, pas du tout. Son équipe est très bien en place et elle devrait être suivre son plan de formation. Donc, quoi qu'il arrive, on va voir. Donc, dernière question. Donc, après, on le remerciera de nous avoir accordé son interview. Alors, est-ce que, éventuellement, s'il se présente et qu'il est élu, il envisagerait ensuite d'être sélectionneur de l'équipe de France A? Ou est-ce que ça, U20, ça lui suffirait d'avoir un seul mandat? On le remercie aussi de nous avoir supportés. Aussi, oui. De ça, on va le faire après. D'avoir su reporter nos blagues aussi. Je pense que s'il est élu, il pourra nous remercier pour nos blagues quand même. Ouais, grâce à faire de la pub. Tous les gens ils vont aller sur la page vote, ils vont voir SM Caen, ils vont faire ah ouais les Sado Mazo qui vont cocher. Bah déjà demain il y aura 25 visites sur sa page de club. Alors Aïe, dernière question avant de te remercier d'être venu nous voir. Donc est-ce que tu envisages de te présenter éventuellement après l'équipe de France A, si jamais tu gagnes les U20? Mais par contre, les 1, ça l'intéresse pas plus que ça. Il a un peu de mal avec les 20 plus. En tout cas, il nous remercie pour notre accueil bien sympathique. Et il nous dit que notre idée de radio était très intéressante. Et que si il était élu et qu'on poursuivait notre idée de radio, il a fait participer avec nous à l'écriture. D'accord, donc on le remercie déjà pour l'interview, hein, on le remercie beaucoup. C'est le deuxième candidat qui est venu nous voir. Et puis si jamais il veut participer au championnat de Blackpool avec nous, ce sera avec plaisir. Voilà. Et du coup, on lui souhaite tous bonne soirée. Merci Harry, bonne soirée. Merci Harry. Bonne chance pour les élections. Bonne chance pour les élections aussi, parce qu'on l'a vu juste tout à l'heure. Voilà. Et donc je rappelle que pour les votes, c'est autorisé jusqu'au... Le 4. Jusqu'au 4 janvier à 7h du matin. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur un sujet ou autre? D'accord. Donc le sujet de la deuxième émission, on va quand même l'annoncer pour les futurs auditeurs. Alors apparemment, ce qui est prévu pour l'instant, bon, ça peut être modifié, on vous tiendra au courant, ça serait une interview de Bernard avec les raisons de son départ, si effectivement il part, et puis après ce sera du coup le début de saison, et puis il faudra commencer à préparer le HK Master. Donc, par contre, malheureusement, il n'y a pas encore de date de prévu, on compte sur vous pour venir tous nous aider pour faire ça le plus tôt possible. Voilà. Ça n'a aucune chance, vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le sélectionneur n'est qu'une défense, c'est pareil. Le reste, c'est une grande première. Je pourrais le sélectionner, je jouerai le sélectionneur. C'est le plus loin, c'est le plus loin. La France a perdu une bataille. La France n'a pas perdu la guerre. Petite chronique sur l'équipe de France, du coup, avec le mot de l'MGS, qui m'a envoyé par HTML, parce qu'il n'a pas de micro, comme dit précédemment dans le sujet. Alors, du coup, je vous lis ça tout de suite, donc les auditeurs. Donc, les dessous du décatexte. L'aventure décatexte est finie, résumant assez bien l'esprit du jeu qui voulait avant tout que tout le monde puisse gagner. Et là, il a participé qu'à cette des épreuves importées grâce à cette technique après dans le dernier jeu. Donc, il faut mettre. Maintenant que la page est tournée, peut-être facile de vous dévoiler les dessous de cette aventure. En effet, jusqu'alors, seul Mori Kondi avait assisté à une séance de brainstorming sur le décotec entre Franchi et l'MGS, au cours du prestigieux lot, le sous-sélectionneur de la semaine qui avait gagné. Et comment diable des idées aussi tendues voient-elles le joueur? Alors, c'est ce qu'on se demande tous, du coup, donc là, il va nous donner la suite. Alors, pour vous, un journaliste de HP Radio enquêté, vous avez une petite souris générique pour en savoir plus sur ce jeu. Il faut comprendre que le jeu se termine en général le vendredi soir, Franchi donne les résultats le lendemain dans son échelle de temps, donc le dimanche ou le lundi pour les gens normaux. Le mardi arrive alors, et pendant que les deux compères, Franchi et l'MGS, commencent à exercer les vapeurs d'alcool et les nuages sombres du week-end, qui encombrent leur cervelle, ils se rendent compte qu'il n'y a toujours pas de jeu pour le vendredi. C'est aussi à ce moment-là qu'en général, l'MGS se rend compte qu'il manque la compo pour le match du vendredi, et qu'il va falloir écrire un sujet de match. N'écoutant que leur courage et ouvrant leur MSN pour dialoguer à travers la France, ils regardent avec angoisse la liste des jeux déjà faits et des jeux à faire. Certains jeux n'auront pas vu le jour, comme la piste de Xapatan ou le concours d'Idée Gustin, car leurs auteurs ont oublié le concept qui se cachait derrière ces noms. Au bout d'une heure à parler du dernier article des CDF, de la dernière intervention de Imalino sur l'entrée de la Duvel, sur le forum non acheté, les acolytes commencent en général à se morfondre dans leur incapacité à trouver un jeu génial. Puis tout à coup, c'est l'éclair de génie. L'un des deux se dit, on pourrait faire un truc où il faudra deviner la compo de l'équipe de France. Et puis là, ça enchaîne, et au final, après un quart d'heure, le nom du jeu est trouvé. Il s'appellera le Kansas City Shuffle, parce que ces deux idiots ont tous les deux adoré Team Sleeping, et le but sera de deviner la compo de l'adversaire, et personne ne sera au courant, donc tout le monde aura faux. Évidemment, nous devons préciser que comme d'hab, le 51e recevra plus de points que le premier s'il y a assez de participants. Et toutes les semaines, ce fut comme ça, et toutes les semaines pour eux, c'était un moment de joie, en imaginant les mines de conflit des participants qui auront été vernés par leur cocasserie. Le décotique aurait pu devenir une institution, et ça ne restera jamais qu'une vraie blague. Et donc, on tient tous à les remercier pour leur décotique, donc Franchi, LMGS, Mori Kondi et tous les autres. Un petit mot de Chanty aussi, du coup, pour la chronique des équipes de France. Donc Shanti qui finit son mandat bientôt, vu que les élections urbaines sont en cours. Alors Shanti, je lui avais demandé quel était le moment le plus marquant dans son mandat. Donc il m'a dit que le moment qu'il avait le plus marqué, c'était la deuxième défaite contre les Émirats Arabes Unis. Parce que s'il gagnait aussi, il faisait match nul, et ben, ça permettait à la France de se qualifier. Et donc il se présente pas en France, il n'a pas envie de continuer l'aventure française, mais il se présente en Algérie, toujours pour les Urbains. Il n'a pas eu besoin des conseils du futur sélectionneur. Il n'a pas de conseil pour le futur sélectionneur. Il faudra juste qu'il soit expérimenté, réactif et opérationnel. Par contre, le principal inconvénient du poste, donc ça on l'a déjà dit sur les interviews, c'est que ça demande beaucoup de temps et que ça demande beaucoup de relations et d'attention. Il a été obligé de lâcher son équipe deux saisons, il ne pouvait pas tout gérer. Il avait mis priorité évidemment à la sélection. Pour son club, des bonnes nouvelles, il s'est quand même remis à former, il a essayé de se mettre en détroit et de viser une stratégie à long terme. Il a un plan de formation sur 5 saisons et il vient d'en finir une. Il en reste donc 4 avant de tenter un exploit et d'avoir des résultats. Voilà. Et je vous invite tous à aller voir son poste sur la conférence France, donc pour faire un petit bilan des U20 avec lui, et puis laisser vos commentaires ou vos messages sympathiques maintenant que son mandat se termine. Voilà. Communiqué officiel du pôle de communication de l'équipe de France. Ah, alors attention, ça rigole plus. Actuellement, sur le forum français, vous aurez sûrement remarqué plein d'activités. Une fois n'est pas coutume, cela n'est pas pour signaler une CA ratée par l'équipe de France A, donc le sélectionneur est plutôt satisfait. Mais pas non plus pour voir la liste des 18 joueurs sélectionnés pour l'album Atypique, nous reviendrons là-dessus dans une édition ultérieure, rassurez-vous. Non, non. En fait, il s'agit de lire le nouveau sélectionneur des espoirs, les U20. Nous vous encourageons vivement à lire tous les sujets et à voter pour le candidat que vous trouvez le plus drôle, le plus compétent, le plus sympathique, le plus méritant, ou tout simplement le plus tout ça à la fois. En effet, si vous ne votez pas, vous avez 100% de chance de voir un candidat pour lequel vous n'avez pas voté se faire élire. En attendant, le staff de l'équipe de France A soutient officiellement. Il y a une belle tête de vainqueur. En espérant que vous avez pris note du candidat à faire élire. Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d'année 2009, il ne reste plus que quelques jours pour en profiter, car 2010 sera une année désastreuse sur le plan astral. A plus dans le bus. Et tout de suite, la rubrique du championnat. Alors, cette interview, c'est une interview de Gauchon, donc Gauchon ne pouvait pas la faire, malheureusement, il n'y avait pas de micro, du coup, on le remplace. Donc, initialement, ça devait être Marcel et moi qui dans la saison. Malheureusement, je l'ai perdu de mon ordinateur, du coup, je l'ai refait avec l'aide de Benji, que je remercie, qui m'a aidé à la refaire. Voilà. Donc, quelles sont vos impressions sur cette saison et tout ça, sur le site qui nous aura tenu en haleine jusqu'à la fin? Alors, cette saison, contrairement aux précédentes, personne n'a vraiment réussi à se détacher en championnat. Mon impression, c'est que Tenard a malgré tout très bien géré la situation, en évitant tout risque d'accident, il a laissé un peu la coupe de côté. Mathématiquement, il semble en danger, mais il a encaissé sa fin de saison afin de sanction. Vous vous attendiez à un podium dès votre première saison au championnat? Alors non, il n'avait même pas envisagé, il n'était pas vraiment prêt pour le championnat. La saison dernière, il s'était battu pour éviter la relégation en D2. Un premier miracle, il avait couru les champions sur le fil, et un deuxième lui a permis de remporter son barrage contre Shakhtar. À ce moment-là, il s'est retrouvé en D1, il avait une équipe très limitée, qui en plus, il voulait passer un entraînement tout fort. Il n'était pas question de tout changer. Il a essayé d'améliorer 2-3 joueurs pour tenir la baraque, donc un gros ailier, et puis 2 milieux pour essayer de contrer les défenses adverses. Il a changé d'entraîneur pour la gestion du TS. Il a cherché à tenir les deux équipes qui pouvaient être derrière lui. Donc il a ciblé l'US Mix, car il n'avait pas de défense. Le Châteaulin, qui avait son effectif un peu vieillissant. Le calendrier lui était en plus favorable, car il est joué à la domicile pour la première et la troisième journée. Avec 2 victoires, il avait des raisons d'espérer. Sauf qu'après la 5e journée, Werner avait déjà 12 points. À partir de ce moment-là, il a pensé que la 7e place était pour lui. Ce podium final, c'est un 3e miracle en 2 saisons. Quels sont vos objectifs pour le court terme dans une ou deux saisons? Alors, ce qui était vrai hier et encore aujourd'hui, deux bonnes équipes, nous avec lui pour le championnat sont arrivées. Son effectif est encore monté en puissance. Donc cette saison, il a de fortes chances qu'il joue le maintien. Il essaye de se maintenir. Alors, c'était vrai hier et encore aujourd'hui, il faut qu'il trouve, et il a deux bonnes équipes, mais avec lui, qui se barrent dans le championnat. Donc, son effectif devrait encore monter en puissance. Il va jouer le maintien cette saison. Et puis, il compte à peu près sur les deux prochaines saisons pour arriver à se maintenir et puis à viser après le ventre mou, voire même le podium du championnat. Et donc, au niveau du long terme, qu'est-ce que vous espérez? Alors dans les saisons qui viennent, déjà je pense que la coupe sera de plus en plus à la portée des petites équipes entre guillemets, donc les équipes de D3 et de D4. Les deux dernières saisons, elles ont déjà été juste en finale, malheureusement elles ont échoué. Du coup, le seul objectif national qu'il peut avoir en étant en championnat, c'est le titre suprême de champion. Cette saison, il lui manquait 30 points malheureusement, mais il ne pensait pas du tout en arriver là. Il pense que s'il avait été candidat sérieux au titre, Pnard n'aurait pas lâché son match contre lui. Et donc, du coup, je quitte Jen dans cette tête du titre. Ça serait passé vers un changement d'entraînement, donc entraînement général ou forme. Et malheureusement, c'est pas du tout ce qu'il envisage. Que pensez-vous du champion de Pnard? Donc, je pense que beaucoup de pays européens pourraient nous envier notre Pnard. Bon, il communique pas beaucoup, mais il est présent tout de même. C'est pas un trader, mais c'est pas un bourrin non plus. Sa réussite, c'est le résultat d'un plan en long terme. Ça a été rondement mené. Il est même capable de performances très honorables dans la Street Master avec des moyens moins importants que les cadres européens. Dans le passé, il a quand même réussi à doubler Coupe Championnat, toujours très compliqué. C'est donc un grand joueur et ça lui va se passer d'être battu par des managers comme ça. Donc, que pensez-vous aussi du gagnant de la Coupe de France? Donc, Sassoon a rongé son frein en D2 pendant une longue saison. Le résultat, c'est qu'il est arrivé prêt pour le championnat déjà. La saison dernière, quand il a réussi à monter directement et qu'il était encore loin d'imaginer qu'il me rejoindrait, il lui avait dit, si j'étais une équipe de championnat, je commencerais à trembler, car les Crocos, c'est une vraie équipe qui peut jouer la gagne. En début de saison, il avait pronostiqué deuxième, et comme prévu, il était vraiment pas loin du titre. D'ailleurs, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu chez lui cette saison. Sinon, il a apprécié aussi son activité sur la conférence du championnat, il se sent moins seul, et cette saison, il a remporté son premier titre national, et il pense que sûrement, ça ne sera pas le dernier. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être l'équipe la plus supportée de France? Alors, ça a toujours été très étrange pour lui, la conjonction d'une ancienneté importante, en 20 saisons, et d'une dynamique de résultats plutôt positifs. Il a toujours été dans les 4 premiers depuis la saison 27, malgré 5 promotions, mais il ne peut pas expliquer comment il n'a pas pu encore avoir le titre de champion de France. Mais il va se rattraper bientôt, et s'il continue à faire des performances moyennes en coupe, comme ça lui donne plus de chances en championnat. D'accord. Que pensez-vous de cette nouvelle poule en championnat et du départ de l'emblématique Burner? Burner était clairement en fin de vie, son équipe avait une moyenne d'âge de 32-33 ans, c'était placé d'une application en retraite, sa retraite ne l'a pas vraiment surpris. Il a largement fait son temps, c'est vrai que 7 ans sur un joueur ligne, c'était très long. Depuis quand on a presque tout gagné, c'est difficile de se remotiver. Tourville revient en championnat et son effectif est assez impressionnant, pas donc redoutable. Les Fleuristes est la seule équipe qui débute en championnat, mais il a déjà fait quelques transferts qui démontrent bien sa volonté de se maintenir. Il se sent vraiment en danger par rapport à ces deux équipes parce qu'en plus il doit les rencontrer rapidement et à l'extérieur. Et donc, avez-vous un pronostic sur le classement de la prochaine saison? Alors, pour Gauffiouf, le championnat se terminera ainsi. Donc, en premier, on aura Ali Gadoc, parce qu'il pense qu'il est prêt à être champion. En deuxième, il met FC Tourville, c'est le challenger. Du coup, le revenant va s'inviter à David pour le titre. En troisième, il va mettre Real Pnard, parce qu'il voit Real un peu en retrait cette saison. À moins qu'il fasse le nécessaire pour faire progresser son équipe, il en a les moyens. Ou si jamais il est pénalisé par un gros parcours en match de master. En quatrième, il voit Ryoko Owari, parce que ça, il effectue ses champs qualité, mais pas vraiment en quantité, et le manque de diversité est toujours un frein pour les grandes équipes. Ensuite, en cinquième, il voit Whistler, parce que Sylvain a bien été aidé par la nouvelle réforme sur le salaire de pressing. Sixième, il place FCBB, sixième au classement, on me contacte des premiers malgré tout. Pas vraiment réussi de cette saison, cette équipe me sent tout mieux que cette sixième place, mais il demande à voir. Septième, il va mettre les Fleuristes, parce qu'il connaît pas bien l'équipe et il sait pas si son manager est pas capable cette saison de faire une bonne saison. Et huitième, il met Fidel City, parce qu'il a vraiment du mal à se voir mieux que ça. Il a un calendrier horrible, les miracles ne sont pas éternels, mais il ne part pas vaincu. D'accord. Pour finir, quel conseil pourriez-vous donner aux autres utilisateurs qui souhaitent devenir une équipe aussi importante que la vôtre? Alors, il n'y a pas vraiment l'impression d'être une équipe importante. Les modestes, c'est tout à son honneur. S'il donnait conseil à un débutant, il lui donnerait 4 conseils. Donc, le premier, c'est avoir de la chance. C'est quand même très important dans le jeu. Le deuxième, c'est quand on n'a pas de chance de façon possible pour limiter l'impact des coups du sort. Donc, avoir une équipe homogène, des remplaçants, ou des souffles pour les mauvaises séries de blessures, les cartons rouges, les choses comme ça, les grosses fatigues. Ensuite, un troisième conseil, avoir une stratégie à long terme, même quand on est en D7 ou D8, c'est toujours payant. Et la quatrième conseil, c'est apprendre à jouer avec des moyens inférieurs aux autres et essayer d'être imprévisible sur le terrain. Ce sera toujours utile un jour ou l'autre. Donc des moyens inférieurs des autres, ça permet de prévoir, et puis être imprévisible sur le terrain, ça peut toujours aider pour avoir des bons résultats. Et Du coup, on remercie Boschio pour cette interview par HTML et puis on espère qu'il continuera à nous écouter. Alors j'en profite pour faire un appel aux auditeurs, j'ai remis en enregistrement. Si au cas où ils veulent faire des pubs pour leur fédération, leur coupe, une recette de cuisine de leur grand-mère, ou leur lieu de vacances préféré, ou n'importe quoi, qu'ils le fassent, et puis qu'ils nous l'envoient, et puis après on décidera ou non sur le Merlin. Voilà. Voilà, quand vous voulez. Donc deuxième interview du coup de Sassoon, fait aussi par Marcel. Donc par contre, Sassoon n'était pas disponible non plus, donc il sera remplacé par Benji 93. Voilà. Qui est supporter de Sassoon, fait partie de sa région. Ok, donc nous allons faire l'interview de Sassoon qui nous remercie de lui accorder cet espace peu commun pour parler de son HT Club, un peu à la mode ces derniers temps. L'idée d'une radio atrique lui apparaissait cocasse de prime abord, mais plutôt sympa, et il est vraiment curieux de voir ce que ça donne. Il nous souhaite bonne chance. Alors, d'abord, quelles sont vos réactions après cette saison étonnante ? Ben, je suis le premier surpris, et après la surprise, je dois dire que je suis comblé. J'accède au plus haut niveau français d'Atri, qu'il y a 3 mois et demi. Je m'y comprends. Et surtout, je remporte la Coupe de France. Même dans mes HT rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé ça. Après, au-delà des résultats sportifs qui, comme je l'ai dit, m'ont comblé cette saison, c'est surtout et avant tout la réussite concernant la vie de la conférence du championnat qui me tenait à cœur. Et là, je dois dire que ça va également au-delà de mes espérances. J'ai trouvé un gaufrier de la Siga City, un acolyte de compétition dans le domaine de la stat et du bavardage sur la conf, un must, et du coup, la conférence championnat est devenue une mine de stat et d'analyse de la saison en cours. Génial ici. Quelle saison sportive tout de même. J'y reviens car je risque de ne pas être à Paris 7 chaque saison. Quel pied de gagner. La Liga Doc est toujours invaincue depuis 23 matchs tout de même. Alors, quel sentiment pour les décrire Ah, je prends un but au bout de 2 minutes, donc je flippe d'entrée. 20 minutes à me faire des cheveux blancs ensuite, avant la pause, je marque 3 fois et je pense à 51% de possession. Là, j'ai la banane devant mon PC et je me dis que c'est bon tout ça. La possession surtout, car après moult réflexions, j'ai décidé finalement de prendre mon adversaire là où je pensais qu'il me prendrait, c'est-à-dire la possession. Réitérer mes compos gagnants sans la possession en 8e, quart et demi, m'apparaissait trop risqué devant un adversaire considérablement renforcé dans ce domaine, mais ailleurs également. J'ai donc joué comme je n'avais pas joué depuis plus d'une saison, à savoir les 2 ailiers vers le centre, quitte à ne pas titulariser mon ailier star et emblématique à ce sortant tireur de coups de pied arrêté, hors pair, bien m'en a pris. Donc 3-1 à la pause, j'ai les yeux qui brillent, puis en seconde, il cumule les occasions, fait des changements appropriés et judicieux, réduit le score sur les SE-tête, et là je fais clairement de l'huile jusqu'au salvateur SEXT, qui lui fait payer son milieu de terrain et derrière Tribouillard finit le job. Le pointant du nez fermé devant mon 22, je répète yes, yes, yes en plus sans les yeux. Quel pied. Vous attendiez-vous réellement à aller aussi loin dans cette compétition ? Je ne fais jamais de plan sur la comète à Trip. On ne procède pas ainsi à la Liga d'Or. Les objectifs, c'est la petite semaine. En gros, l'objectif, c'est de gagner le match qui suit, voire de le perdre, mais pour gagner ceux d'après. Donc pour la coupe, ben non, au début, je ne joue pas pour la gagner, mais comme d'hab, pour aller le plus loin possible, au moins 10 tours, pour les pics et les finances. Et puis de fil en aiguille, comme je lâche très rarement un match, je me suis retrouvé en 8e. Là, je me suis dit, tiens, voyons qu'il reste. Après 8e en quart. Tiens, peut-être jouer cette saison, nous sommes plus que 8. Puis l'élimination de Pénard, là, je me dis, oula, je suis la seule d'un rescapé, waouh, chaud, chaud. Mais jouable une fois en demi-finale, il est interdit de ne pas aller au bout. J'avais joué là 2 saisons auparavant et voilà. Je la joue réellement à fond après la qualification des 8e de finale. Derrière, je pique mes 4 derniers matchs du championnat. Et pareil, vous attendez-vous à finir sur la 2e marche à un tout petit point du leader Pénard? Non, comme j'expliquais plus haut, j'étais promu et rookie au pays des grands au début de la saison et je faisais plutôt profil bas sportivement. Surtout après 3 journées de défaite dont une volée chez moi par le champion de titre. Là, je mouffetais pas, et ce même si mes notes étaient bonnes. Surpris donc, oui, forcément, je ne passais pas à m'en tirer à si bon compte en étant promis. Après, je suis conscient de la puissance de feu que j'avais dans les mains, et je savais quand même pouvoir y jouer un rôle. Ceci dit, la différence entre 2e et 6e de 10 est bien souvent minime. Ça joue à un coup de chance sur un match, et tout s'enchaîne, au contraire d'ailleurs. Par exemple, en journée 11, je gagne chez Bibi en CRP 4-4-2, par 2-0. Eh bien, ce match, si Bibi le gagne, il ne finit peut-être pas sixième, mais second, et moi à sa place. Donc, la vérité d'un classement final est certes une vérité sur 14 journées, certes révélateur d'un certain niveau de compétence de joueur, de compétence tactique, de connaissance de l'adversaire, mais aussi de chance. C'est très serré, ça se joue à peu bien souvent. Ce que je peux dire, c'est que je pense que mes 8 saisons intensives en des deux moyens. Et que pensez-vous de Pena? Ce que je pense de Pénard, eh bien, il réussit et que j'avais remarqué en Détroit il y a moult saisons quand il faisait de super notes avec que des Français. Au moins la moitié de son équipe d'alors est toujours là. Ça c'est remarquable d'avoir encore les mêmes joueurs, c'est qu'il avait bien calculé son affaire. À Master la saison dernière, je l'ai trouvé tactiquement très fort, fait mordre la poussière à deux ou trois adversaires supposés plus forts. Certains le surnomment Real Vénard et j'avoue avoir quelqu'un à partager cet avis quand il a gagné chez moi en journée 3, largement alors que... Mais la chance, ça se prouve aussi. Ça se provoque aussi, et je crois que c'est plus ça, Real Pénard. Un remarquable adversaire, en tout cas. Quelles sont vos réactions après la relégation de l'emblématique de... Je l'avais mis dans mes potentiels à la relégation avant la saison. Je cherchais à savoir qui je pourrais devancer. Et Burner affaibli, vieillissant et ruiné m'apparaissait comme un candidat idéal. Ce n'était plus le conquérant d'il y a deux ou trois saisons, mais son départ canon a semé le doute, puis c'est comme prévu effondré. J'ai, après son arrêt du jeu samedi par CDP, et je tiens à lui rendre un grand coup de chapeau pour ce qu'il a réalisé sur Afrique, quel palmarès et pas tant. Que pensez-vous de la nouvelle équipe? Qu'elle est encore plus relevée que la précédente, entre le vert vert des fleuristes, l'expérience et la force de Tourville, ça ne peut être que meilleur, et honnêtement, cette saison, je ne vois pas encore le 8e, alors imagine le 7e. Ça va péter les notes à de partout, j'espère que Fumbled de Floor Power seront présentés sur la conf également, et ça sera une super saison, la barre est haute, mais on peut faire encore mieux, enfin les 8, hein, pas forcément la Liga d'Oc. Un petit pronostic sur le prochain classement. Ah, j'aurais dû m'en douter, non, je peux pas vraiment, ce serait n'importe quoi. Bah alors, quels sont vos objectifs sur le court terme? Comme expliqué plus haut, pas d'objectif sportif réel, si ce n'est peut-être gagner au moins un match des Masters si j'ai de la chance au tirage, adversaire et lieu du match, et ensuite continuer à essayer de gagner chaque match, et éventuellement former un peu plus que la saison dernière, mais ça va être tendu. Plus de place pour les jeunes, hormis les miettes des 4 ou 5 premiers tours de coupe. Continuer à m'éclater à jouer à ce jeu et essayer de réussir les renouvellements à venir en fait de me maintenir à haut niveau. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous aux Africains qui rêvent de gagner un jour comme lui dans le monde? Amuse-toi. Moi depuis 17 saisons, je me régale sur ce jeu et continue de rêver. Que tu la gagnes. Et donc, voilà, Sassoon, la Liga d'Oc qui nous remercie et qui espère ne pas avoir été trop long et qui est plutôt loquace, c'est quand il s'agit de son club et d'Afrique. Merci Sassoon. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Voir la gueule. Bonjour, bonsoir à tous. En direct, ou plutôt en différé du Souboc, à Paris, IRL organisé par la CAP, la Fédération Contre-Attaque, Narité et Torture, vous propose une petite interview de Squeezie, ici présente, avec peut-être quelques interventions de Dadé, son compagnon, de Stein, de Romalian et de Ladé. Donc, Squeezie, tu vas nous dire à quoi sert une IRL, s'il te plaît, selon toi? Voir la tête des gens qui racontent des conneries sur la CD. Je trouve pas que les avatars sur la truc sont déjà assez marrants comme ça. Non, ils sont moches. Et tu trouves que nous, on est beaux, vraiment? Non, mais vous êtes marrants, en vrai. D'accord, donc tu trouves ça bien de rire, en fait? Rire, boire, c'est bien. Avec modération. Avec modération, je rajoute la dette. Sans modération et surtout, aller dehors pour fumer. D'accord, mais le problème c'est qu'on ne fait pas rire là, je crois, les auditeurs. Ouais, bah ouais, mais c'est ça. Ils ont fait venir au D'accord, et ils comprendront pourquoi on rigole et pourquoi on les aide. C'est trop méchant, c'est bon. Ouais. Mon deuxième intérêt de l'IRL, oui, par les tactiques, RTT, qu'est-ce que ça voulait dire déjà? Réunion technico-tactique. Bah, RTT, réunion technico-tactique, donc on se dit les tenants, les aboutissants de toutes les tactiques, tous les entraînements, toute la gestion des clubs, les tactiques, les stratégies pour mieux gagner, pour mieux monter. Le tir lointain, le pressing, le jeu créatif. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le tir lointain, Romagnan? Ah bah c'est la tactique favorite de l'NGS. Ah, je crois vraiment ça. Non, pas du tout, non. Je dirais plus Raptor, quoi. Voilà, Raptor, ouais. Tu as vu récemment qu'il y avait deux équipes au Danemark qui tapaient du mythique Nantes-Savoie, c'est bien ça? Ouais, justement, je m'étais intéressé suite à une réflexion donnée par chacun sur les jeux créatifs et les tirs lointains, et donc j'ai commencé à fouiller un petit peu, surtout sur un poste de Julen, et non pas Dr. Julen, son frère, mais Julen, qui, sur le Global English, propose un poste avec tous les matchs à mettre en finier. Et dans les matchs à mettre en finier, il y avait un match où il y avait une tactique sur le lointain. Donc j'ai regardé l'équipe en question, et l'équipe en question, donc sur la saison 39, avait du mythique, du magique, extraterrestre, tactique, et surtout planter sur tous ces matchs, planter au moins un tir lointain, voire deux, des fois trois. Et tout ça sans attaque, c'est-à-dire du mauvais parcours. Mais par contre, l'attaque, notre arrêt de buteur, elle est surtout sur les milieux de terrain et les ailiers, avec certainement du divin coup franc. Et le résultat, c'est que déjà au niveau des coups francs directs, donc ça donne des notes de coups francs directs offensifs et défensifs absolument impressionnantes, puisqu'il a approché du brillant ou inoubliable en coups francs directs. Et sur les tirs lointains, donc il attend 2 ou 3 par match. D'accord. Je n'arrive plus à suivre, alors je vais lui proposer de rajouter quelque chose, mais il a strictement rien à dire par rapport à ça. Ah, pas grand chose à rajouter, non, il a fait ça tellement bien qu'on ne peut pas dire grand chose. Toi, tu utilises quelle tactique de jeu, d'habitude? Ah, moi, je mets des bourrins sur le terrain, puis en général, ça suffit, ça passe, on va pas mettre une tactique, c'est de la fioriture, la tactique. On joue normal, ça passe, si on doit s'abaisser à jouer en attaque au centre ou attaque sur les ailes, c'est qu'on a une équipe trop mauvaise, c'est tout. Faut changer de métier. Ouais, si on joue en attaque sur les ailes, c'est qu'au centre, on est nul, en fait. Ouais, oui, c'est qu'on est nul, tout simplement. Il suffit d'avoir des joueurs qui sont divins partout, et c'est bon, on n'a pas besoin de tactique, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui parlait de la CA tout à l'heure, et qui disait, de toute façon, la CA, c'est pour les tafioles. Ouais. C'est-à-dire, ceux qui n'aiment pas le milieu. Non, c'est les tapettes pour les tafioles. C'est n'importe quoi. La CA, c'est pour les tapettes. Alors, comment tu peux nous définir les tapettes de la tripe? Il y en a à côté de moi, ancien GM, dont je ne citerai pas le nom, ça commençait par L, ça finissait par B, mais je ne savais pas qui c'était, quoi. Mais bon, une tapette, c'est quelqu'un qui a une équipe trop mauvaise, quoi. Donc il est obligé de jouer en CA pour réussir à faire quelque chose. Alors, quand ça va mieux, va toujours en CA. Il faut savoir que l'AB est quand même spécialiste en relégation en ce moment. C'est pour ça qu'il y a la réforme pour les bots là récemment. Ils ont décidé de le mettre en D9 direct. Ça sera plus simple pour les pratiques pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense là? Si tu as des choses à défendre. Je pense que je suis aussi mauvais que dépôt, donc ça va. C'est pas mal quoi. À peu près au même niveau que moi. Mais qui est dépôt? Pourquoi tu connais pas Dépôt? Je suis pas sûr, les auditeurs peut-être pas. Ah bah Dépôt est champion de France, donc je suis aussi mauvais que lui, donc ça attend d'être champion de France, surtout il a à son actif le match le plus incroyable de la trick. Un petit match de barrage contre Clippers, assez sympathique, où il se permet de gagner en pressing avec 188 de HT4 contre 350, se tirer notes, surnaturel au milieu, et voilà quoi. Il devait avoir 2,74% de chance de gagner. Je sais plus exactement, mais c'est un truc de fou. Ça m'a rappelé aussi, j'ai vu un match, ça c'était justement dans le match Sous-Bookmark sur le poste de Julen, sur le Global English, où t'as un mec avec une équipe de 250 de la staff à domicile, perd 1-0 contre un boss. Pas mal. C'est impressionnant. Ça t'est déjà arrivé? Disons qu'en ce moment je rencontre pas mal de bots. Alors, on a là en fait dû refaire une équipe récemment et donc en D9, avec son expérience de plus de 4-5 ans de matrix, il commence à gérer la D9. Ça va pour l'instant, disons que j'ai 9 points d'avance là, sur le deuxième, avec 72, plus 72 de goal average sur ce cas-là, alors qu'il reste 3 matchs. Théoriquement, normalement, je devrais remporter ma division. Bravo, Romain. Oui, j'espère que tu as aucun sens pour la dégâts. Alors, on est bien, on verra bien. J'ai aussi discuté de l'entraînement coup franc, avec un spécialiste de l'entraînement coup franc. Dadé? Non, en fait, non. Non. Tu sais que j'ai raison quelque chose, Dadé, toi? Non. Oh, si tu les punais du milieu, il était capable de faire un match avec 180 de la stat, donc ça fait du inoubliable très bas au milieu de terrain, à domicile, en mode, surtout si on met un joueur en défi, je crois. Non, en défaite. En défaite, tu tapais du inoubliable au milieu. Ouais. Je te garde. Non. Dadé est très prolixe, très lavide, très bavard. Ouais. Merci Dadé, c'est un plaisir de discuter avec toi. Alors je pense qu'on peut jouer au ni oui ni non. Est-ce que tu es pour une reconduction du mandat de l'MGS? Ça dépend. Est-ce que tu es pour que Badala reprenne une équipe? Ouais. Je sais pas. Il a bon, là, tu peux nous dire le nombre de nouvelles équipes. Ça, c'est deux articles top secret. Un indice. Ça commence par une lettre et ça se termine par une autre. Ce qu'on peut donner comme indice, quand même, c'est qu'il est tombé dans la même division que les boss. C'est important, quand même. D'accord, division 9 ou 8. Je fais du bien, quoi. Il faut que vérifier dans les signes. D'accord, donc en cherchant Eldebor, mais Eldebor a changé de pseudo, il me semble. Là, c'est El Malino à un moment, là il a encore changé. Oui, il change pour la règle, quoi. Je pense que en ce moment c'est AD ou l'AB, je sais plus. Ouais. Non. C'était bon. Alors, super Burnet. Mais tu es réellement super Burnet. Alors, pour que la légende continue, je ne peux pas répondre à cette question. Pour préserver le mythe, je ne le saurai jamais. Bon, pour faire clair, monsieur l'abbé, vous qui avez beaucoup réfléchi à ces termes de sexualité et de longueur de sexe, pouvez-vous nous apporter votre précision théologique à propos du mythe? Non. Merci, monsieur l'abbé. Que dirait Badala dans un tel cas? Oui. Ah, ça, je sais pas. Que dirait ou pas? Ah, Badala, déjà, il arrive en chemise rose à fleurs. Non, mais il dirait ou pas, et puis voilà, c'est tout. Ah, ça, je sais pas. Par contre, vous, Moshe, est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous diriez, justement, dans ces cas-là? Est-ce que vous pouvez, justement, expliquer pourquoi notre ami Super Burno, tout le monde dit qu'il est super burné? Il aurait payé quelqu'un pour qu'il y ait une rumeur qui se passe, comme dans American Pie. Alors, vous avez posé votre question à Moshe, mais qui est Moshe? Bah, c'est un abruti de mode, qui vient juste d'être ici, enfin, un mec qui vient juste de passer du côté obscur de la forêt. Ah, vous voulez parler de Moshe, d'accord. Donc, bah, j'ai oublié la question. Bon, non, c'est faux. Certaines personnes un peu fréquentables qui permettent par MSN de menacer les gens. C'est quand même mal ce que vous dites, c'est mal. Ah ouais, c'est mal, mais bon, ce que fait DZ, c'est mal. Ah ouais, et ce que fait Brami, c'est mal. Ah encore une fois. Et voilà. D'accord, alors Moshe va vous répondre. Et oui, Moshe. Ah, il est là. Moshe. Oui, autrement Moshe. Non, moi je pense que... Oui. J'aurais déjà posé la question à Walid, qui vient d'arriver. Walid, qui vient d'arriver, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Non, mais me demande pas quelle question, réponds. On va boire un coup, hein. Ça, c'est... Non, mais... Donc, pour en revenir à la question sur Super Burno, voilà la question. Moi, il m'a payé... Super Burno. Il a gagné 4-2 ce soir, il est champion. C'était très bien.